AXA, premier assureur des pros. Mon fils, il est dans les chiffres. Il les examine, il fait des analyses, il a son cabinet, comme les médecins. Soutenir son fils, pour Carole, rien de plus normal. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr. Étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Éclat d'azur, Jean Cocteau sur la Riviera, le journal L'Ami du Peuple, le 19 juillet 1933, annonce que Les Enfants Terribles, une pièce tirée du roman de Jean Cocteau, sera présentée sur la scène du Théâtre de l'Œuvre et non sur celle du Théâtre de la Comédie des Champs-Élysées, comme cela avait été annoncé par erreur. Et le journal ajoute que l'œuvre de Jean Cocteau, qui sera jouée par Louis Jouvet au cours de la saison prochaine, a pour titre « La Machine Infernale ». Mais sur la même page de ce journal, L'Ami du Peuple, 19 juillet 1933, un autre article. Profitez de vos vacances pour visiter la Côte d'Azur, chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Quelle plus belle excursion pouvez-vous faire que de parcourir devant la mer et parmi les fleurs ce merveilleux ruban de calanques, de rochers, de plages et de forêts qui se déroule tout au long de la côte entre Marseille et Nice. Formidable Jean Cocteau, formidable Côte d'Azur. Mesdames, Messieurs, ici le Théâtre des Champs-Élysées, d'où à l'occasion de l'exposition internationale des arts consacrée à l'œuvre du XXe siècle, sous les auspices du Congrès pour la liberté de la culture, la radiodiffusion française relayée par Radio Stuttgart vous invite à écouter par transmission directe, sous la direction d'Igor Stravinsky, Oedipus Rex. Opéra oratorio de Igor Stravinsky et Jean Cocteau, représenté pour la première fois avec un rideau de scène et 7 tableaux vivants de Jean Cocteau. Voici quelle en sera la distribution. Léopold Simoneau, Eugénia Zareska, Bernard Cotteret, Gérard Sercoyan, Michel Hamel, Georges Abdoun et le récitant Jean Cocteau. En 1955, la radiodiffusion française présente Oedipus Rex. Alors, c'est l'opéra oratorio d'Igor Stravinsky qui avait été créé quelques années plus tôt, en 1927, au Théâtre Sarah Bernhardt à Paris, avec un livret écrit par Jean Cocteau. Écrit par Jean Cocteau, déjà un petit peu sur la Côte d'Azur. Bonjour Françoise Leonelli. Bonjour. Dans cette longue et belle relation qui unit Jean Cocteau et la Côte d'Azur, il y a plusieurs moments, mais arrive-t-on à dater à peu près le moment où Jean Cocteau découvre la Côte d'Azur ? Oui, on le date assez bien, puisqu'on va parler à peu près de 1910-1911, où il commence à fréquenter différents milieux de la Côte d'Azur. Mais c'est une longue histoire, effectivement, parce qu'elle va se poursuivre jusqu'à sa mort, jusqu'à la fin des années 50-63. Donc, il va y faire beaucoup de séjours. Et puis, on parlait justement d'Oedipus Rex. C'est à Villefranche qu'il va travailler avec Diaghilev Stravinsky sur cet opéra. Donc il y travaille beaucoup, il va fréquenter beaucoup de monde. C'est une vie réellement qu'il commence, mais il va commencer peut-être par Marseille aussi, évidemment, on en parle, il parle de Marseille, il parle de Toulon, et puis petit à petit, il va se déporter vers la partie est de la Côte d'Azur réellement. Oui, parce que la Côte d'Azur n'est pas un tout en réalité. Il y a plein d'entités différentes sur ce territoire. Et de Marseille à Menton, tant et tant de choses à découvrir, comme autant de vies de Jean Cocteau. Il n'y a pas qu'une vie de Jean Cocteau. En 1911, qui est-il ? Est-ce qu'on peut préciser un peu ce personnage assez étonnant qui était né en 1889, en 1911 ? Ça fait partie de ces jeunes gens qui poussent l'avant-garde littéraire, poétique et peut-être encore plus. C'est ça, il fait ses débuts, mais vraiment c'est un poète, donc il fait ses débuts dans la poésie, il fait beaucoup de salons, il commence à écrire beaucoup, et il a rapidement un succès important qui le fait, on parle de lui comme le prince frivole, d'ailleurs il va écrire le prince frivole, c'est toute une vie qui commence en fait, et c'est cette vie-là qui va l'amener par la suite à une maturité et un foisonnement artistique extraordinaire. Mais ce sont ses débuts qui vont le marquer toute sa vie, qui vont le porter, puisque toute sa vie, il va se dire poète. Et donc, cette découverte de la Méditerranée, il l'a fait volontairement, parce qu'elle l'attire depuis toujours. Elle l'attire parce qu'il a une culture classique très forte. Et c'est cette culture classique des mythes de la Méditerranée qui vont particulièrement l'attirer et qui vont faire certainement que toute cette vie va se finir sur la Côte d'Azur finalement. Bien qu'il soit profondément parisien, petit à petit il va se dire méditerranéen, il va se dire amoureux des Alpes-Maritimes, et puis il va vouloir faire partie, je pense, aussi de cette famille méditerranéenne qu'il apprécie beaucoup. Et dans la recherche de ce lien entre Jean Cocteau et la Côte d'Azur, il y a les raisons à avancer. Vous venez de nous dire, Françoise Leonelli, qu'il y a peut-être une fascination pour des mythes méditerranéens. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme raison pour comprendre l'attrait qu'a Jean Cocteau pour la Côte d'Azur ? C'est une découverte complète d'une vie différente qu'il fait sur les bords de la Méditerranée. Puisqu'on parlait de Marseille, il va découvrir une vie complètement différente de la vie parisienne. Et sur la Côte d'Azur aussi, plus tard, cette impression va s'enrichir, où il voit une jeunesse beaucoup plus libre, plus solaire. Ces abords de la Méditerranée facilitent les relations, facilite aussi une liberté des mœurs qu'il va vraiment apprécier et qu'il va rechercher tout au long de sa vie. C'est aussi ces lieux de villégiature où il va rencontrer des amis, il va avoir beaucoup de fréquentations. Donc c'est une vie qui va lui plaire, parce que non seulement elle lui permet toutes ces fréquentations, elle le sort un peu de ces milieux, je pense, des salons parisiens, mais il y retrouve un peu les mêmes personnes. Mais elle va ouvrir son travail vers beaucoup d'autres choses, elle lui permet de travailler sans arrêt et en même temps de se libérer et d'avoir de profiter de cette lumière, de ce bleu de la Méditerranée et de tout ce qu'il y voit finalement, parce qu'il y voit un monde grouillant de mythologie aussi. Oui, parce que chez Jean Cocteau, tout grouille. Ça grouille de création, d'envie, de vie aussi. Musique, création, dessin, écriture, la parole à Jean Cocteau. Ma méthode de dessin ressemble beaucoup à l'improvisation du jazz. J'improvise avec les lignes et avec les couleurs. Couleurs, vous ne les voyez pas, je ne peux pas les employer aujourd'hui. Comme par exemple Charlie Parker improvisait avec son saxophone. Ça n'a pas toujours été très bien compris non plus. Mais il y a dans le dessin une très grande jouissance. L'écriture, c'est du dessin noué autrement, et le dessin, c'est une autre emploi de l'écriture. Et quand je dessine, j'écris. Et peut-être que quand j'écris, je dessine. Jean Cocteau, un entretien à Saint-Jean-Cap-Ferrat avec cette musique, Lester Young, Françoise Leonelli, dans ce qu'exprimait Jean Cocteau sur ce mélange de création. En fait, la musique est un peu de la poésie, mais l'écriture est aussi un peu du dessin, et du dessin de l'écriture. C'est vraiment ça, son mode de création, tout est mêlé. Oui, absolument, c'est essentiel. Pour lui, l'encre coule dans les veines du poète, et cette encre, elle peut se diffuser soit en dessin, soit en peinture, soit en lumière, soit en cinéma, soit en couleur. Vraiment tout ce qu'il va, et il se justifie à de nombreuses reprises là-dessus. Il n'est pas un dilettante. Il développe sa poésie autrement, et tout ce qu'il va toucher a trait à la poésie, c'est-à-dire qu'il va pratiquer tous ces médiums, comme il écrit sa poésie. Et il le dit et il le redit, il insiste là-dessus, et c'est vraiment une notion importante. C'est cette encre, c'est tellement qui sort de sa main, elle peut prendre toutes les formes. Oui, et à partir de là, nous comprenons mieux son mode de création, parce que Jean Cocteau est un personnage complexe. Souvent, pour définir un artiste, c'est écrivain, musicien, poète, peintre, etc. Pour Jean Cocteau, c'est très difficile à donner une définition. Mais oui, justement, elle est là, la définition. Il la donne lui-même, il est poète. C'est ce travail-là qu'il va faire. Il mûrit sa poésie extraordinairement tout au long de sa vie. Et elle va prendre les couleurs que le dessin, que la poterie, que la peinture, etc., va pouvoir lui donner. Ce sont des techniques qui, pour lui, viennent de la même inspiration ou de la même expiration, comme il le dit, puisque lui, il s'agit d'une expiration. C'est ce poète qui expire, quelle que soit la technique qu'il va utiliser, il va l'utiliser dans un même but. Et puis Jean Cocteau n'expire pas que de la poésie, il expire un petit peu d'opium aussi. Dans cette histoire-là, son attrait pour la Côte d'Azur peut, dans les premiers temps, se lire aussi avec son addiction à l'opium. Oui, c'est important, l'opium, c'est important parce que ça fait partie de son acte de création. Finalement, ça doit libérer certaines choses. Et puis, de toute manière, il est vraiment accro à cet opium. Il fait beaucoup de tentatives d'arrêter, mais finalement, ça ne peut pas aboutir parce que c'est aussi un mode de vie chez lui. Que ce soit lui, son entourage, on vit un peu dans l'opium. Et sur la Côte d'Azur, on vit pas mal dans l'opium, mais c'est aussi un véhicule, cet opium, de ce qu'il essaie de transmettre, c'est-à-dire, globalement, il en parle je décalque l'invisible, c'est-à-dire que ça va peut-être lui permettre d'accéder à cet invisible que lui, en tant que poète, va pouvoir percevoir et va retransmettre de l'autre côté du miroir à nous, son public. Et alors, si Jean Cocteau arrive sur la Côte d'Azur en début des années 1910, 1911, donc il y a différentes étapes, il passe à Menton, il passe à Monte-Carlo, il passe à Villefranche, dans ces moments-là, il loge à l'hôtel, comment ça se passe pour lui ? Alors, sa deuxième maison devient rapidement, quand il s'installe à Villefranche, ça devient ce fameux hôtel Welcome qui est sur le port de Villefranche et où il va recevoir, il va créer, il va beaucoup fréquenter le milieu du port, le milieu des marins qui vont le fasciner, mais aussi toutes ces personnes qui vivent avec lui, cette fameuse bande à Cocteau où on va retrouver Jean Hugo, Isadora Duncan, Man Ray, Desnos, Coco Chanel qui habitent à la Pausa, les villes Morin qui passent et qui ne sont pas très loin. Donc il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de fréquentations, beaucoup de créations puisqu'il y écrit, il dessine. C'est vraiment sa deuxième maison. Il y passe beaucoup de temps. Avant, plus tard, alors ça c'est dans la première période hein, dont on parlait. Plus tard, ce sera chez Madame Weisweiler à la Villa Santo Sospir où là les choses vont se dérouler un peu différemment et où son propre travail va se développer autrement puisque c'est à ce moment-là qu'il va réellement investir et laisser ses traces sur la Côte d'Azur. La Villa Santo Sospir, de nouveau la parole à Jean Cocteau. Santo Sospir est un lieu qui vous est cher. J'aimerais que pour ceux qui n'ont pas la chance de connaître cet endroit si ravissant, si merveilleux, j'aimerais que vous le décriviez. Eh bien voilà, je suis un jour, Madame Alec Weisweiler m'a demandé si je voulais me reposer, c'est toujours l'histoire des vacances, si je voulais me reposer 7 ou 8 jours chez elle. Et j'y ai passé 7 ans. 7 ans. Et j'ai commencé à décorer la maison. Les murs étaient nus. Je les trouvais très nus, je voulais les tatouer comme une peau. J'ai commencé par tatouer le mur au-dessus d'une cheminée. Et là, je le racontais à Matisse. Matisse m'a dit, si vous avez fait un mur, vous en ferez d'autres. Il avait raison. Et j'étais comme les tziganes qui quittent l'estrade pour jouer entre les tables. Et il n'y a pas de raison qu'ils n'aillent pas aussi jouer dans la rue. Enfin, je n'ai pas été jusque dans la rue, mais presque, puisque un jour, il y avait des grands échafaudages autour du phare, on reconstruisait le phare, et à des journalistes américains, j'ai dit, voyez, on me met des échafaudages, je vais peindre le phare, et ils m'ont cru. J'aurais pu aussi continuer dehors. Mais je me suis limité à la villa et pas à l'extérieur, sauf à l'entrée où j'ai fait les deux mosaïques, la mosaïque du sol et la mosaïque qui se trouve à gauche, encastrée dans le mur. Mais j'ai fait d'abord la grande pièce, ce qu'on appelle à l'heure actuelle un living room, et puis j'ai fait les chambres, et ensuite j'ai vu que je ne pouvais pas faire des murs sans faire les plafonds, Et ça a été ma grande fatigue, j'ai commencé les plafonds. Ah, c'est toujours très très dur à faire les plafonds. Là, on l'a tous vécu, essayer de faire un plafond, c'est catastrophique. Au rouleau, ça nous coule dessus. Sauf que quand c'est Jean Cocteau, ça donne quelque chose d'absolument sublime. En 1959, Jean Cocteau évoque son séjour sur la Côte d'Azur, dans la Villa Santos Ospire. Et avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Carole Weisweiler, bonjour. Bonjour. Merci vivement d'être avec nous. Cette villa, vous la connaissez tellement. Vous étiez enfant et vous couriez dedans. Oui, j'étais très petite fille quand j'étais à Santos Ospire, où je passais presque toutes mes vacances. Et ce qui est formidable, c'est que quand j'étais très, très jeune, je supportais très, très mal la chaleur. Et quand M. Cocteau est apparu dans ma vie, vous voyez, je l'appelais toujours M. Cocteau, comme par hasard, eh ben je supportais la chaleur. Mais c'est qu'il y a quelque chose de magique autour de Jean Cocteau. Vous vous souvenez du moment où votre maman, Francine Weisweiler, a invité Jean Cocteau à venir s'installer dans cette villa Santos Ospire? Moi, j'étais pas là. Hein. J'étais avec ma gouvernante à Paris. Mais quand j'ai vu M. Cocteau, il y a tout de suite eu quelque chose qui s'est passé entre nous. Je pense que Cocteau a toujours aimé les enfants. Il aurait aimé avoir des enfants, qu'il n'en a pas eu. Et quand il a rencontré ma mère, qui avait une fille, eh bien, il y a eu vraiment une attirance extraordinaire. Et il m'a toujours considérée comme sa fille, mais j'avais des rapports très différents qu'avec mon père. Ça n'empêchait pas que j'ai aimé les deux. Et que je pense que l'un n'a pas été jaloux de l'autre, et que Jean Cocteau avait une ouverture et auprès des autres et même auprès d'une petite fille comme j'étais, extraordinaire. Oui, parce que vous avez connu cet aspect de l'artiste Jean Cocteau qui est très très dur à saisir. C'est l'humain, c'est la conversation, c'est la manière d'être. J'ai envie de dire qu'il était lui-même sa propre œuvre. On pourrait dire ça de Jean Cocteau? Oui, bien sûr, mais il aimait écrire, il aimait dessiner, il aimait peindre, il est toujours en train de faire quelque chose, mais ça ne l'empêchait pas de s'intéresser aux autres. Et il y a beaucoup d'artistes que j'ai connus par la suite, quand ils travaillaient, fallait pas les ennuyer, fallait pas les déranger. Tandis que M. Cocteau, non. Il aimait que je vienne le voir. Bon, alors, j'étais une petite fille aussi, attention. Mais il était toujours content. Malheureusement, je n'ai pas été là quand il a fait les fresques de Santos Ospire. J'étais à Paris, j'étais à l'école. Et quand j'ai vu, pour la première fois, tous ces murs avec toutes les fresques et tous ces sujets extraordinaires, j'ai été fascinée. Vraiment, je me souviendrai, pourtant j'étais très jeune, je devais avoir 7-8 ans, et j'étais éblouie. J'imagine, oui, vous quittez la villa après une période de vacances, un séjour à Paris pour être à l'école, évidemment, vous revenez à Santos Ospire, et là, la villa est métamorphosée. Oui, ça vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie, je veux dire, de cet éblouissement que j'ai pu avoir en voyant toutes ces fresques sur les murs. J'avais l'impression que c'était magique. Parce que je l'ai pas vu travailler. Autant je l'ai vu travailler à la chapelle. J'étais même souvent à la chapelle de Villefranche. Je lui tendais ses crayons, etc. Tandis qu'à Santos Ospire, je l'ai pas du tout vu travailler. Vous avez vu le résultat? Est-ce que dans cette ville-là, il vous commentait ses œuvres, vous, petite fille, Carole Weisweiler, il vous disait, oh, bah voilà, regarde ce que cela représente. Il commentait? Non, pas vraiment. Ben, si je lui posais une question, il me répondait. Mais non, pas vraiment. Et alors, dans la chapelle qu'il était en train de réaliser, là, vous étiez présente, vous le dites, les pinceaux. C'était quelques années après. Voilà, quelques années après. Oui, ça vraiment, je me souviens, je le vois encore sur les échelles, sur les échafaudages, comme si c'était hier. Tandis qu'à Santos Ospire, je ne l'ai pas vu. Travailler, je l'ai vu, oui, après. Il y avait l'atelier où il écrivait. Et ma mère avait transformé une serre en atelier pour que son fils adoptif, Édouard Hermite, qui était peintre, puisse peindre. Et ma mère aussi dessinait. Ah oui, mais comme ça. Écoutez, ce que je vous propose, Carole Weisweiler, c'est une Très belle archive, puisque c'est votre maman qui parle, c'est en 1960, et elle évoque justement cette effervescence artistique dans cette villa Santos Ospir. Tout le monde a tourné dans cette maison, parce que tout le monde devait tourner, parce que Jean Cocteau vit ici, que nous participons tous à sa vie. Alors, et comme il aime que tout le monde participe à tout ce qu'il fait, alors voilà, même mon maître d'hôtel a tourné, et tout le monde a été là. La maison entière était là dans ce film. Quelles sont les impressions que vous avez pu ressentir à ses débuts cinématographiques ? C'est très difficile à dire parce que dès que le film a commencé, j'étais dedans. Gustave ! Madame la Comtesse ? Qui est l'assassin ? Je l'ignore, Madame la Comtesse. C'est incroyable ! Vous allez m'obliger à lire d'un bout à l'autre un livre qui ne doit paraître que dans 70 ans. Oh là là, 70 ans, c'est en 1960, ça vous fait rigoler d'entendre cette archive, Carole Weisweiler. C'est très émouvant, dans le même temps, d'imaginer même pour nous cette effervescence artistique dans cette villa. Il faut dire que c'est, elle est d'une pureté extraordinaire et il n'y a jamais eu de griffonné. Il n'a jamais griffonné, vous voyez, il y a toujours une ligne. C'était vraiment... Moi, je l'ai vu pas travailler à la villa, mais j'ai vu travailler à la chapelle et à Menton. Il avait une... Vraiment, c'était tout à fait fascinant de le voir comment le crayon, et puis ensuite les couleurs qu'il remettait, il effaçait pour ainsi dire jamais. C'est beau. C'était d'une pureté totale. La pureté ici, mais dans un contexte particulier, c'est-à-dire le soutien de vos parents, Alec et Fassi. Oui, enfin, soutien de mes parents, mais c'est pas mes parents qui lui tenaient la main. Non, mais enfin, il était bien content d'être dans la villa et surtout d'avoir la villa comme toile, comme support pour créer son œuvre. Vos parents ont profité de leur fortune pour aider, soutenir les artistes. C'est une forme de mécénat, mais on sent que ça va plus loin parce que il y avait, dans les discussions, dans les échanges, une vraie relation qui se crée avec ces artistes et notamment avec Jean Cocteau. Oui, mais Jean Cocteau, ça a été plus qu'une relation. Ça a été véritablement... moi, il m'a considéré comme sa fille. Et ma mère, bon... Il y a eu un moment où, dans la fin de la vie de Jean Cocteau, ma mère s'est un peu éloignée, malheureusement, et j'en ai beaucoup souffert, adolescente. Et, mais M. Cocteau, que j'ai toujours appelé M. Cocteau, vous voyez, pour moi, c'était comme un deuxième père. Mon père n'était pas souvent là, parce que mes parents vivaient très séparés, sans avoir divorcé, et il y avait toujours de bons rapports. J'ai jamais eu... d'impression que mon père n'était pas content ou que jamais. Tout se passait, en tout cas, aux yeux de la petite fille que j'étais et ensuite de l'adolescente, se passait bien. Vous vous souvenez des repas dans cette villa avec Cocteau ? Tout était art, tout était poésie ou parfois nous étions vraiment dans la quotidienneté de l'existence en vacances sur la Côte d'Azur. Ah oui, on était en vacances sur la Côte d'Azur, mais M. Cocteau travaillait toujours. Je ne l'ai jamais vu, bon, il déjeunait, il dînait avec nous, mais il avait, maman avait créé dans la serre un atelier où il allait écrire, où il faisait... beaucoup de dessins, et puis là, il ne faut pas oublier qu'il a fait la chapelle de Villefranche, qu'il a fait la salle des mariages de la mairie de Menton, ça a été énorme tout ça. Il n'a pas cessé de travailler, vous savez, mais il avait une ouverture merveilleuse aux autres. Et je veux dire, je n'ai jamais entendu M. Cocteau disant « Oh mais laissez-moi tranquille, je travaille », pas du tout. Il était toujours ouvert. Oui, une forme de générosité dans la création, absolument. Avec une volonté de laisser des traces. Santos Ospir est donc un lieu très marqué de votre signe. Ben, je crois qu'on ne peut pas faire autrement. Les gens laissent des vieux des papiers gras et des boîtes à conserve, et moi, je laisse des dessins. Mais on laisse toujours quelque chose de soi dans les lieux, n'est-ce pas, dans lesquels on vit. C'est impossible autrement. Et maintenant, j'ai trois... Alors, c'est comme un ricochet. J'ai fait d'abord la chapelle de Villefranche, ensuite, j'ai fait la mairie de Menton. Et maintenant, entre les deux, au Cap d'Ail, je suis en train de faire les grandes mosaïques et les murs alors en céramique de ce merveilleux théâtre en plein air, théâtre grec du centre méditerranéen des jeunes. Pour revenir à ce mot de vacances, puisque nous sommes à une période de vacances, dans votre jeunesse, il n'y a pas eu des époques qui, pour vous, étaient des vraies époques de vacances, des vraies époques de fêtes, enfin. Eh bien, Picasso dit, on met très longtemps pour devenir jeune. On met très longtemps pour devenir jeune. C'est un mot magnifique. Et j'ai honte de dire que maintenant, je me sens beaucoup plus jeune que quand j'étais très jeune. En 1959, c'est vrai que c'est un très beau mot. On met du temps à devenir jeune. Jean Cocteau s'entretient avec Roger Piodin. Et sur la volonté de laisser des traces, Françoise Leonelli, vous êtes conservatrice du musée Jean Cocteau de Menton. C'est le bastion, ce musée. Il y a sur la Côte d'Azur une géographie de la présence de Jean Cocteau. Alors, ce sont ces noms que l'on cite, hein, la Villa Santos-Ospire, Villefranche-sur-Mer. Enfin, il y a toute une cartographie à construire. Une très jolie cartographie et ça a été une volonté, je pense que c'est important de le noter, c'était réellement une volonté de Jean Cocteau, puisqu'il l'écrit, une volonté de décentralisation, parce qu'il a voulu investir la Côte d'Azur pour en fait reporter sur ces rivages de la Méditerranée qu'il aimait tellement, il a voulu reporter cette création artistique et y figurer lui-même. C'était important qu'il y figure, mais qu'il déporte, donc qu'il décentralise, puisqu'il parlait, il parlait de Paris comme d'un ogre qui dévore ses enfants et qui demandait un tribut chaque année de chair fraîche de ces jeunes artistes qu'il dévorait. Et lui-même a souffert certainement beaucoup de beaucoup de critiques de ces milieux-là. Mais donc il s'évade sur la Côte d'Azur, il s'y installe et il crée lui-même cette cartographie. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il commence par cette Villa Santos-Ospire. Il avait déjà au préalable et avant fait de certains travaux dans des villas d'amis qui n'existent plus, mais en tout cas la Villa Santos-Ospire commence par la volonté de décorer cette cheminée, et après il va vraiment entreprendre quelque chose d'assez extraordinaire, parce que dans chaque lieu qu'il va habiter et qu'il va où il va laisser son empreinte, ses tatouages comme il le dit, il va s'adapter à ce lieu-là en restant lui-même en même temps. Il y a d'énormes changements entre ce qu'il va présenter, la ligne qu'il présente à la Villa Santos-Ospire, qui est d'une pureté, comme le disait Carole tout à l'heure, magnifique. C'est véritablement cette ligne qui continue, la ligne du dessin qu'il fait avec cette écriture. Et ensuite, petit à petit, et grâce aussi à l'atelier que Madame Weisweiler lui aménage dans la villa, il va pouvoir commencer à travailler la couleur, la peinture, et ses empreintes, il va les faire et il va réaliser des choses qu'il n'a jamais réalisées en y mettant de la couleur. Et ça, c'est important, parce que c'est cette couleur méditerranéenne que petit à petit il va développer. Alors à la chapelle de Villefranche, il y en a déjà, et alors ça atteint vraiment une apothéose à la salle des mariages de Menton, qui est un feu d'artifice de lumière à la fois douce, présente, pétillante. Donc tout ça, il évolue dans ce travail-là. Il s'en rend compte parce qu'il est très conscient de ce qu'il fait. Et donc la cartographie s'enrichit et le travail de Cocteau s'enrichit aussi d'une manière différente. Avec la Villa Santos-Ospire, nous sommes à Villefranche-sur-Mer. Il y a la chapelle Saint-Pierre également à Villefranche-sur-Mer. Et puis on l'a dit, hein, la salle des mariages de Menton. Et puis le théâtre aussi de Menton. On pourrait vraiment lister tout cela dans un ordre chronologique. Françoise Leonelli, oui. Est-ce que tout ça forme une œuvre entière cohérente, ou plutôt l'évolution de la création d'un homme particulier, d'un artiste, d'un poète, Jean Cocteau? Non, ça n'est pas une seule création, je dirais. C'est multiple, mais ça correspond quand même à... Parce que tout ce qu'il fait dans sa vie, Cocteau, tout ce qu'il a fait depuis le début est extrêmement cohérent. En fait, c'est extrêmement pensé, extrêmement cohérent. Donc, il y a une cohérence dans l'évolution de ce travail-là. Et il va en profiter pour développer tous les thèmes qui l'intéressent, puisqu'on les retrouve, que ce soit des thèmes mythologiques, des thèmes chrétiens, puisqu'ils sont très présents à la chapelle, évidemment. notamment. Il va y mêler les thèmes locaux, c'est-à-dire qu'on va retrouver en même temps des pêcheurs, les dames de Villefranche, à Menton on va retrouver les amoureux, et tous ces thèmes-là petit à petit se mêlent. Pour arriver à la salle des mariages où on va avoir ce mélange de mythologie, de mariage, de mentonnés, de couples de pêcheurs, etc. Et il y a une évolution. Alors il ne s'agit pas d'une seule œuvre parce qu'on a quand même affaire à des moments différents, mais je pense que ça fait partie entièrement de la cohérence qu'il a. Dans cette œuvre, on peut le dire, parce que Jean Cocteau, c'est tant et tant de créations, qu'il s'agisse du théâtre, de toutes ces œuvres réalisées sur la Côte d'Azur. Carole Weisweiler, vous êtes écrivaine, vous êtes biographe de Jean Cocteau, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur lui et sur la relation de votre famille à Jean Cocteau. Vous portez un regard aussi sur cette œuvre, mais qui touche à l'intime. Hein. Vous l'avez vu, en tout cas pour La Chapelle, se construire. Je l'ai vu travailler à La Chapelle. Voilà. J'ai même vu quand il a fait mon portrait dans La Chapelle. Parce que vous êtes dans la chapelle, oui, de Villefranche. Dans la chapelle de Villefranche. Enfin, c'était une petite fille avec un foulard. Hein, quand même. Mais Jean Cocteau avait une chose extraordinaire, c'est que c'était un poète et sa poésie se traduisait, bien sûr, en écrit, mais aussi en dessin, en peinture. Et c'était de l'encre qui était reproduite différemment. Ah, c'est très joliment dit. Parce que et c'est ça, c'est la poésie. Et vraiment, c'était un... Je crois que... Enfin, j'ai pas connu beaucoup de poètes, mais qui mettait autant de lui-même, autant d'amour pour ce qu'il faisait et pour les autres, dans sa création, ça, c'est une chose très exceptionnelle. Oui, parce que l'œuvre de Jean-Claude... Et les gens ne le savent pas, ça. Je crois. Parce que quand on voit travailler un artiste, on se rend compte, si vous voulez, de son amour qu'il a pour ce qu'il fait, mais aussi pour les autres. La relation aux autres. Sa relation aux autres. Et ça, c'est très rare. Dans la villa à Saint-Aux-Soupir, il y avait vos parents, ou au moins votre mère, votre père passait, il y avait vous, Carole Weisweiler, il y avait du monde qui passait dans la maison. Ah oui, il y avait souvent des dîners, des déjeuners, surtout des dîners. Oui, puis il y avait des amis, puis il y avait Doudou, il y avait le fils adoptif de Jean Cocteau, qui lui-même était peintre. Et maman avait transformé une serre en atelier. Et là, Doudou peignait, Jean Cocteau y travaillait, et maman aussi peignait. Aussi. Pas moi. Moi, j'étais une petite fille, j'avais pas trop le droit, enfin, je pouvais leur dire bonjour, mais j'avais pas le droit d'y jouer, quoi. On demande aux enfants de ne pas dessiner sur les murs, bien souvent, vous, c'est Jean Cocteau qui dessinait sur les murs. Non, ça, j'ai jamais dessiné sur un mur. Puis surtout que c'était vraiment un professionnel extraordinaire. Mais je ne l'ai pas vu, malheureusement, je n'ai pas vu. Autant je l'ai vu travailler à La Chapelle et à Menton. Je lui passais de temps en temps les crayons. Pas sans se soupirer. J'étais à l'école à l'époque, à Paris. Oui, c'est ça. Hein. Donc, oui, mais on ne peut pas voir l'artiste travailler tout le temps. Ma découverte de Saint Aspire a été magique pour moi. Quel regard portez-vous aujourd'hui, Carole Weisweiler, sur cette villa, celle de vos parents, qui est devenue une œuvre de Jean Cocteau et qui, aujourd'hui, est un lieu qui fascine et qui éveille la curiosité. Oui, moi, j'ai un regret terrible, c'est de l'avoir vendu. Mais je ne pouvais plus payer les droits de succession. Et ça, pour moi, c'est toujours une souffrance. Bien. Mais j'espère qu'elle sera, pendant encore très longtemps, ouverte à la visite et que les gens vont pouvoir admirer l'œuvre de Cocteau aussi bien à Saint-Aux-Soupir qu'à La Chapelle, qu'à Menton, parce que on connaît Cocteau comme écrivain, comme poète, mais on ne sait pas qu'il a mis sa poésie aussi bien sur les murs de différents endroits. Oui. Et c'était de l'écriture mis différemment, si vous voulez, mais c'était toujours de la poésie. Toujours. Et ça, c'est très important que les jeunes qui vont visiter ces lieux puissent le savoir. Et c'est des lieux qui sont absolument magiques. C'est cette magie que l'on retrouve aussi au musée Jean Cocteau de Menton, le Bastion. Françoise Leonelli, dites-nous d'ailleurs pourquoi ce nom de Bastion qui évoque pas la poésie hein, dans un premier temps. Le bastion, c'était un bastion réellement, oui. Un fortin qui était à Menton, qui était inoccupé. Et quand Jean Cocteau vient à Menton, il décore la salle des mariages. Il va décorer aussi d'ailleurs le bureau du maire où il a fait une fresque splendide de Orphée à la lyre devant la vieille ville de Menton qui représente cet Orphée musicien puisque la vieille ville de Menton est vraiment l'emblème du festival de musique où Cocteau a connu Menton. Et il voit ce fortin qui est inoccupé. Il demande au maire s'il peut l'utiliser pour en faire son musée. Et il avait envie d'avoir un espace pour toutes ses œuvres qu'il faisait sur la Côte d'Azur, où il avait envie de les laisser, de les classer. Il a dit d'emblée que il ne voulait pas un musée Jean Cocteau, mais il voulait un lieu pour y déposer ses œuvres et où on pourrait les changer quand on y trouverait de l'ennui. Il ne voulait certainement pas de ces musées figés. Et il a laissé cette trace, donc ce magnifique bastion qu'il a lui-même fait rénover par un architecte avec la ville de Menton, et qui depuis est le musée historique Jean Cocteau, et où son œuvre a toujours été présentée d'ailleurs depuis son ouverture. Alors à Menton, qu'est-ce que l'on trouve de Jean Cocteau? Parce qu'on a évoqué la salle des mariages, alors il y a la salle des mariages, il y a le bastion. La salle des mariages, le bastion. Maintenant, le musée Jean Cocteau, qui avait été créé il y a une dizaine d'années, a subi malheureusement une inondation très importante et des travaux sont encore en cours, donc il est fermé pour l'instant. Mais c'est dans le bastion qu'on réunit la collection maintenant, qui peut à nouveau être présentée et où on continue à présenter le travail de Jean Cocteau. Alors chaque année, et maintenant depuis l'année dernière, l'été, nous organisons des expositions avec le commissariat de Dominique Marny, qui est la présidente du comité Cocteau et petite nièce de Jean Cocteau d'ailleurs. C'est dans ce bastion même que sont déclinés les différents thèmes du travail de Cocteau et que son travail, je dirais, tout ce qu'il peut y avoir de merveilleux, de mystérieux, de magique, est représenté dans ce bastion qui est comme un petit château, un fortin, et qui devient le lieu de ses mystères. Donc c'est un lieu assez fascinant. Et puis on parlait de la fresque du bureau du maire qui n'est pas visible au quotidien mais qu'on présente pour les journées du patrimoine. Donc il a laissé à Menton de très belles traces. Et oui, des traces fascinantes comme vous venez de le dire Françoise Leonelli, parce que l'on passe d'un art à l'autre. Et il est très mauvais de sauter d'une chose à l'autre, sauf si par exemple vous sautez d'une branche à l'autre dans un seul arbre qui est votre arbre généalogique. Alors quand on me reproche souvent de sauter de branche en branche, je vous répondrai que c'est dans un seul arbre. Et quand on me dit, mais pourquoi faites-vous des travaux en dehors de l'encre, par exemple, pourquoi faites-vous des tapisseries, pourquoi faites-vous de la mosaïque, pourquoi faites-vous de la poterie, eh bien, c'est parce que les moines font de la liqueur. Ben voilà, tout simplement, les moines font de la liqueur et ils font aussi des prières. Et ben lui, il fait de la poésie et il fait autre chose, il fait de la poterie. Traduit en dessin, qui est traduit en peinture, qui est traduit dans tous les arts. Oui, la mosaïque aussi. Et oui, absolument. Jean Cocteau est un personnage extraordinaire parce qu'il porte tout son art. C'est un homme incontournable. On le voyait sans cesse dans la presse. Il est intervenu dans les médias. On va l'interroger. Parce qu'on l'interviewait, bien sûr. Mais je veux dire, c'était avant tout un créateur et comme on dit, c'est un poète qui a mis sa poésie dans différents arts, je veux dire. Mais c'était toujours le poète. Vous êtes amusé, vous, Carole Weisweiler, à aller voir un peu, alors vous les connaissez par cœur, bon, la Villa Santo-Sospir comme une évidence, la chapelle de Villefranche comme une évidence, oui, et ces différents lieux. Vous conseilleriez de faire un trajet Côte d'Azur sur les pas de Jean Cocteau? Oui, pourquoi pas? Ça serait un bon thème pour visiter la Côte d'Azur, bien loin des plages, un tout petit peu densément peuplées. Oui, mais ça a déjà été fait, ça. Des gens qui ont fait tous les tours, mais bon, c'est quand même pas tout à côté. Il faut toujours prendre les voitures, aller d'un endroit à un autre. Mais ce qui est formidable, si vous voulez, c'est que le poète a était vraiment complètement pris par cette région. Et il a exprimé sa poésie, son amour des autres. Et ça, peu de gens le savent. C'était pas simplement un créateur, c'était aussi quelqu'un qui aimait la vie et qui aimait les autres. Oui, vous pensez que la Côte d'Azur lui a permis de trouver ce qu'il cherchait tant, c'est-à-dire une proximité avec les autres, et puis cette lumière absolument sensationnelle, ces paysages aussi. Oui, la lumière est importante, mais bon, ce sont les circonstances de la vie que quand on fait une chose, après il en a fait une autre. Mais il a fait aussi une chapelle à Abbeville-la-Forêt. Je veux dire, c'est pas... Mais quand même, quand il a connu Babert et qui s'est installé à Saint-Eustache, une fois qu'il avait fait toutes les... Presque. Et c'est lui qui... Je veux dire, c'est un poète qui mettait sa poésie aussi bien dans l'écriture que dans le dessin ou la peinture. Merci à Carole Weisweiler de citer Milly-la-Forêt où Jean Cocteau avait sa maison. Ça se trouve pas très loin de Paris, c'est dans l'Essonne, parce que les traces de Jean Cocteau sur une carte ne se limitent pas à la Côte d'Azur. Et puis on cite des noms, mais il y en a un qu'il faudrait pas oublier, c'est Valoris. Si l'influence du maître de Guernica n'est pas toujours lisible, on en décèle pas moins au travers des tentatives et des réussites cette leçon de courage qui a toujours serré les dents de Picasso sur les terrifiants pépins de la réalité, comme l'a dit Jacques Prévert. Comme dans tous les vernissages, l'encre a coulé au nom de l'admiration et de l'amitié, car on ne peut imaginer Picasso sans l'amitié. Une amitié dont il chauffe toujours le four insatiable de sa curiosité. Visites et commentaires. Jean Cocteau était là, riant encore d'avoir été pris à l'entrée pour son propre père, par une jeune personne qui sans doute ignorait son immortalité. Il y en eut pour tous les goûts, il y en eut pour tous, et même pour les midinettes, car elles étaient venues acclamer Jean Marais qui tourne actuellement sur la côte, un amour de poche. Nous étions dans les actualités méditerranéennes en 1957 pour l'exposition de céramique à Valoris parce que Françoise Leonelli, Jean Cocteau, la Côte d'Azur, bien sûr, mais il n'y a pas que Jean Cocteau. Là, on la vient d'entendre. Il y a l'évocation de Pablo Picasso. On va dire qu'il y a une petite communauté d'artistes qui se retrouvent sur la Côte d'Azur. Oui, bien sûr. Sur la Côte d'Azur, on va y retrouver évidemment Picasso, parce que ça, c'est la relation avec Cocteau. La relation avec Cocteau et Picasso, elle est très très fréquente. Mais il y a aussi Matisse. Il y a des passages de différents personnages que Cocteau aime beaucoup. Charlie Chaplin, Lucien Clerc, avec qui il travaille, c'est le photographe arlésien. Des personnages comme André Verdet, Dufy, Chagall. C'est une atmosphère et dans les années 50, c'est une atmosphère de création très très foisonnante sur la Côte d'Azur, et Jean Cocteau y participe entièrement. Et justement, il aime participer avec ses amis artistes. Mais il a une grande ouverture aussi vis-à-vis des artisans, puisqu'il en a besoin pour les différentes créations qu'il aborde. Et on parlait de la céramique, de la poterie. Ça, c'est un des aspects qu'il va développer grâce à Picasso, puisqu'il le voit faire. Et puis Picasso lui avait dit que quand on met un objet dans le four, après on recommence. Et c'est ce qu'a fait Cocteau quand il a rencontré sa famille, Madeleine Joly, les céramistes, avec qui il a beaucoup travaillé, puisqu'il y a plus de 300 réalisations de céramique qu'il a fait avec eux. Ensuite, il a voulu développer ce médium un petit peu comme les autres. On parlait de cohérence tout à l'heure. Il parlait de la céramique comme d'une peau qu'on allait décorer et qu'on allait tatouer. Donc c'est aussi le même type de travail qu'il va développer dans la céramique, qu'il aime beaucoup. Il va travailler longtemps avec eux. Et cette collaboration, comme d'autres collaborations avec des artisans, il l'aime énormément parce que ce sont des personnages qui travaillent la matière, qui connaissent la matière, et lui apporte tout son imaginaire là-dedans. Donc il y a vraiment un travail commun. Il aime ce travail à plusieurs mains. Il collabore beaucoup, il collabore avec des artistes, il collabore avec ces artisans-là, il collabore avec des musiciens, avec tout type de créateurs. C'est vrai que Cocteau vit, comme le disait Carole, c'est un échange permanent, c'est une relation avec les autres. Il ne travaille pas seul dans son coin, il aime beaucoup travailler avec, en collaboration, et il le fait très volontiers et très généreusement souvent, parce qu'il aide aussi de jeunes artistes. Carole Weisweiler, quand on évoque tous ces noms, Picasso, Matisse, ils venaient d'ailleurs, ces gens-là, à la Villa Santos-Ospire? Picasso, c'était comme la famille. On allait plus chez les Picasso. Picasso n'aimait même pas beaucoup se déplacer. Il était à Valoris? Oui, oui. Alors, on allait chez les Picasso, c'était vraiment la deuxième maison, presque. Matisse, je ne peux pas dire, je ne l'ai pas connu, vraiment. Il y a dû venir, mais j'étais trop jeune. Je ne l'ai pas connu, Matisse. J'aimais beaucoup son œuvre, mais je veux dire, je n'ai pas connu l'homme. Pablo et Jacqueline. Jacqueline, c'était, je la considère un peu comme une deuxième maman. Les enfants Picasso, on se voyait beaucoup. Et on allait beaucoup, beaucoup à Valoris. Picasso ne se déplaçait pas beaucoup. Hein, deux personnalités très différentes, très, hein, Picasso et Cocteau. Complètement, mais qui s'entendaient parfaitement bien. Vous avez assisté à des échanges, des repas, vous étiez là, il y avait Picasso et Cocteau à table. Ah oui. Ils aimaient rire, ils aimaient se raconter des histoires, c'était formidable leur entente. C'est vrai, c'était plutôt dans l'ambiance joyeuse. Ah oui, absolument. Moi, je ne les ai jamais entendus se disputer, je vous le jure. C'est formidable. C'est formidable d'imaginer ces grands artistes, mais dans leur quotidien, c'est-à-dire dans leur humanité. Ils étaient très différents. Ah bah oui. Je veux dire, les caractères étaient très différents. Mais Picasso avait une gouaille extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup aimé Picasso. Mais ils s'entendaient vraiment bien. Ils avaient une complicité l'un avec l'autre. C'est une très belle complicité, Françoise Leonelli. Oui. Sur cette amitié Picasso et Jean Cocteau. C'est non seulement une amitié, mais il y a eu des collaborations. Je pense à Parade, par exemple. Elle a duré très longtemps. Il y a eu des brouilles, des réconciliations, parce qu'il s'agissait de personnages tout de même hauts en couleur. Je parle de Picasso, mais Cocteau savait aussi se tenir face à Picasso. Bien qu'il ait souvent dit qu'il sentait l'œil de Picasso, même dans son dos, et il le craignait parce qu'il le considérait vraiment comme le plus grand des génies. Et il craignait cet œil de Picasso quand lui-même créait, mais il acceptait ses conseils, et je pense que Picasso en échange avait beaucoup d'affection aussi pour Cocteau. C'était vraiment un bel échange de deux hommes extrêmement différents, un plutôt centré sur lui-même et sa création, et puis Cocteau qui mettait du lien dans toutes ces relations là parce que il aimait ces personnages complexes, lui-même en étant un d'ailleurs, mais il appréciait ça, et puis je pense que ça apportait aussi à sa création, ça enrichissait. On ne peut pas dire qu'il a été directement imprégné par ces artistes qu'il fréquentait. Lui-même disait qu'il ne s'inspirait pas directement de l'œuvre de l'artiste, mais d'une œuvre, par exemple un mouvement, une forme, une composition qu'on va retrouver dans ses fresques, qu'on va retrouver dans ses tableaux, des compositions, par exemple, ensuite qu'il va avoir sur la série des Inamorati qu'il fait dans le Sud. Clairement, on y retrouve du cubisme à la Picasso. C'est pas du tout du Picasso, c'est du Cocteau. Mais il va y avoir des compositions extrêmement proches, des profils et beaucoup de mouvements qu'on va retrouver de Picasso comme d'autres d'ailleurs. Oui, il y a du monde hein, dans cette histoire-là. Dans l'archive que nous avons entendu il y a quelques minutes, l'exposition de céramique à Valoris en 1957, le journaliste disait bien que, bon, Picasso très bien, Jean Cocteau aussi, mais beaucoup étaient venus de jeunes femmes pour voir Jean Marais qui était là en 1957. Carole Weisweiler, vous aviez 15 ans. Jean Marais était présent dans toutes ces visites. J'ai beaucoup aimé Jeannot. On l'appelait Jeannot. Et il était drôle. Il nous aimait beaucoup, mais moi j'étais beaucoup plus impressionnée par Jean Marais, qui était une espèce de figure comme ça, extraordinaire, même que par Picasso ou Cocteau. Parce que Jeannot, c'était l'acteur, vous voyez. Il venait souvent nous voir, c'est vrai. C'est vrai, je l'aimais beaucoup. Il y avait une entente extraordinaire entre Jean Marais et Jean Cocteau. Avec Picasso, je ne me rends pas compte. Mais Picasso et Cocteau, ils s'adoraient. Ça, c'est tout à fait différent. Mais Jeannot, c'était un peu disons, Jean Cocteau a eu deux fils, si je puis dire, spirituellement. Jeannot, Jean Marais, et Édouard Hermite. Voilà. Et Doudou. Et Doudou. Parce que tout le monde avait des surnoms. Hein. Vous n'aviez pas un surnom, vous, Carole Weisweiler? Non, on m'appelait Carole. Carole, que tu... C'était Carole. C'était trop court pour faire un surnom. En tout cas, c'est un monde dans lequel nous sentons hein, qu'il y a beaucoup de vie, d'ambiance, de joie. Et d'amour uns vis-à-vis des autres. Ouais. Et ça, si vous voulez, c'est une chose que je n'ai pas tellement connue par la suite. Ouais. Et Cocteau était quelqu'un qui aimait réunir autant les artistes que même les enfants. Ouais, réunir tout le monde. Il aimait réunir. Travailler et s'amuser. Jean Cocteau est encore à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Je dis encore parce que c'est un grand voyageur et que j'ai l'impression qu'il est tout près d'ouvrir ses ailes maintenant pour repartir, pour nous quitter pendant quelque temps. Est-ce que je me trompe beaucoup, maître ? Oh non, je ne partirai qu'en septembre parce que l'Académie française m'a chargé de la représenter pour Metterlinck, pour les fêtes de Metterlinck à Bruxelles. Et puis ensuite, j'irai à Metz pour les décors et les costumes de Péléas et Mélisande. Je devais aller à Balbec, où on donne Renaud et Hermide, mais mes besognes artisanales m'en empêchent. Je suis, dans ce moment-ci, en train de m'amuser, ce qui ne m'arrive jamais, parce que pour moi, le travail, c'est le travail. Remarquez bien que quand je m'amuse, c'est encore du travail. Oui, voilà, donc c'est le paradoxe de Jean Cocteau. On va dire qu'il y a toujours du travail, mais toujours de l'amusement. Nous étions en 1962 quand Jean Cocteau s'exprimait, c'est-à-dire un an avant sa disparition. C'est un moment, d'ailleurs, Carole Weisweiler, vous nous disiez qu'il venait moins à la Villa Santos-Ospire hein, dans ses débuts des années 1960. Oui, et moi j'ai beaucoup souffert parce qu'il y a eu une mésentente à un moment entre ma mère et Cocteau. Et moi, j'étais très proche, peut-être plus proche de Jean Cocteau que de ma mère. Je dois le dire. Parce que Jean Cocteau n'avait pas eu d'enfant et qui m'a un peu considéré comme sa petite fille. Et puis, il se mettait toujours... il ne jouait pas la grande personne vis-à-vis de nous. Il s'associait à nous. Mésentente, alors qu'il avait décoré toute la maison. Pourquoi il s'était fâché? Je me souviens même plus. C'est vraiment, ça n'a pas d'importance. Autant c'est futile, souvent ces choses-là, et on les regrette longtemps après. Et Jean était vraiment quelqu'un qui aimait les autres. Je crois depuis la mort de Cocteau. Maintenant, ça fait très longtemps quand même, 63. Il est mort en 63, le 11 octobre 1963. J'ai jamais rencontré une personne aussi proche des autres, c'est-à-dire aimant les autres et voulant les entendre et les comprendre. Et ça, les gens ne le savent pas. Françoise Leonelli au musée Jean Cocteau de Menton, dit le Bastion. Il y a dans ces territoires magiques que sont ces zones touristiques intenses où les gens ne viennent pas spécifiquement pour voir un musée, l'occasion pour beaucoup de découvrir Jean Cocteau, peut-être par hasard d'une journée un peu pluvieuse où on ne va pas à la plage. Et ça aussi, c'est cette force du monde des arts, c'est de faire découvrir le petit plus et d'émerveiller. Absolument. Et Cocteau sur la Côte d'Azur, on parlait d'un circuit, mais on peut très bien envisager un circuit qui commencerait par Fréjus et puis après qui se déroulerait sur la Côte d'Azur jusqu'à la frontière italienne. À Menton, on y trouve ces traces-là et je pense que oui, pas seulement un jour de pluie d'ailleurs, on peut très bien venir un jour de beau temps. Le musée, ce petit musée a vraiment l'âme de Cocteau. Il est ce qu'il a fait, c'est lui qui l'a créé et ça se ressent. C'est un petit format, c'est très très accessible et on y retrouve vraiment l'époque de Cocteau qu'on a peut-être un petit peu perdu sur la Côte d'Azur. Alors il reste tout de même, il reste ces traces là, il reste le festival de musique de Menton qui a toujours la même forme et qui est toujours là. On a en visitant ces différents lieux, on peut très bien percevoir ce dont on a parlé pendant toute cette émission, c'est-à-dire cette âme de Cocteau et ce qu'il a laissé, comme on le disait, ce qu'il a laissé volontairement sur cette Côte d'Azur, parce qu'il l'aimait tant, parce que justement, il y a la question de la famille et de cette famille méditerranéenne que lui, il va percevoir tout autour des bords de la Méditerranée, pas seulement de la Côte d'Azur, mais il estime que les peuples de la Méditerranée forment une famille et lui-même très probablement la recherche cette famille comme il s'est installé dans la Villa Santos Aspire, où il a trouvé auprès de la famille Weisweiler une famille, et puis de ses amis, de ses fils adoptifs, de toutes ces personnes qu'il aimait beaucoup, dont il aimait s'entourer. Et puis il y a une chose aussi à Santos Aspire, il exprime clairement, alors il a peut-être pas fait parce qu'il fréquentait tout de même beaucoup de monde, ça n'était pas du tout un ermite, mais il estime très clairement aussi le désir qu'on le laisse tranquille, parce que il est à l'apogée de sa renommée, et partout où il va, on le reconnaît, et c'est un havre de paix, et c'est un havre au bord de cette Méditerranée qu'il aime tant. Et c'est un havre que nous avons envie de découvrir. À vous écouter toutes les deux, Françoise Leonelli. Et je rappelle, vous êtes conservatrice du musée Jean Cocteau de Menton, le Bastion. Et vous aussi, Carole Weisweiler, merci vivement pour votre analyse et votre témoignage. On a envie de redécouvrir Jean Cocteau, de redécouvrir ces lieux de la Côte d'Azur et plus globalement son œuvre. Et puis on va remonter jusqu'à Milly-la-Forêt aussi. Merci vivement à toutes les deux. Plaisir de vous entendre. Merci à vous. Merci à vous. Pour nous, le voyage continue. C'est le pourquoi du comment. Gérard Noriel. Comment se logeait le peuple parisien au XIXe siècle? L'une des grandes originalités de l'histoire sociale de la France, comparée à celle de ses principaux voisins européens, tient au fait que l'exode rural n'a pris une importance massive qu'après la Seconde Guerre mondiale. Entre les années 1950 et les années 1970, l'afflux des ruraux vers les villes, auquel s'est ajoutée une immigration étrangère massive, a provoqué l'explosion d'une nouvelle France urbaine dominée par les grands ensembles et les cités de banlieue. Les architectes, les fonctionnaires, les élus qui ont participé à cette révolution étaient alors convaincus qu'ils allaient améliorer le sort du prolétariat des mal logés en leur offrant le confort et les facilités de la société moderne. Mais nous savons aujourd'hui que ce type d'urbanisme a été l'un des facteurs essentiels de la crise des banlieues, à tel point qu'une nouvelle génération d'experts s'emploie aujourd'hui à détruire les tours que leurs prédécesseurs avaient fait construire à la hâte. L'une des raisons qui explique les erreurs de cette politique urbaine tient au fait que les élites de l'époque ont voulu faire table rase d'un passé qu'il aurait fallu mieux connaître avant de chercher à l'éradiquer. La vision misérabiliste des anciennes formes de l'habitat populaire, parfois véhiculée aussi par des historiens, les réduisait à une fonctionnalité élémentaire. Le logement était vu avant tout comme un endroit pour dormir, dans lequel les individus étaient entassés les uns sur les autres, ce qui excluait toute possibilité d'intimité. Cette vision négative s'appuyait sur des faits réels. Il est vrai qu'à Paris, jusqu'au milieu du XXe siècle, la crise du logement a touché massivement les milieux populaires. Le logement en garni était fréquent pour celles et ceux qui arrivaient dans la capitale pour y travailler. En 1911, les garnis représentaient plus de 11% de l'ensemble des logements parisiens, abritant quelque 165 000 personnes. Quant aux familles ouvrières, elles habitaient le plus souvent dans des maisons de deux ou trois étages, composées de deux ou trois pièces, sans eau courante, ni tout à l'égout. L'évacuation des eaux ménagères se faisait par des cuvettes situées sur les paliers, ce qu'on appelait les plombs, qui répandaient en permanence une odeur épouvantable. À cela s'ajoutaient les nuisances industrielles, car à cette époque, en région parisienne, l'industrie était omniprésente. On y trouvait beaucoup d'usines, mais aussi une multitude de petits ateliers installés dans les cours et dans les étages des maisons. Tout cela répandait des flots continus de bruit, d'odeurs et de fumée. Mais ce qu'ont montré les recherches qui se sont intéressées à l'histoire de la sociabilité des classes populaires, c'est que ces dernières ne subissaient pas passivement les conditions de logement qui leur étaient imposées. Parmi les formes de résistance, je me contenterai d'évoquer les pratiques visant à aménager et à humaniser des espaces de vie. C'est ainsi que s'est développée une culture populaire de l'intimité et de la sociabilité que la construction des grands ensembles et des cités dortoirs a contribué à détruire. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares, avec aujourd'hui à la technique Antoine Tropé et Alix Vernotte à France Bleu Azur à Nice. Merci beaucoup également à toute l'équipe qui a préparé cette émission, Pierre Chabert, Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Viudet, Jeanne Coppa, Gillian Tilly et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire est écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture présente Le secret de la licorne. En offrant à son ami Haddock le modèle réduit d'un navire, Tintin ne se doutait pas que cette maquette était la réplique de la licorne que commandait un aïeul du capitaine. Et je suis persuadé que si nous parvenons à réunir les trois parchemins, nous découvrirons les diamants de Rackham le Rouge. Et je sais déjà où trouver le second. Venez, capitaine! Cette découverte va les mettre sur la piste d'un mystérieux trésor. Les aventures de Tintin, le secret de la licorne, un podcast réalisé par Benjamin Habitant sur franceculture.fr et l'appli Radio France.